Nous étions tous du même projet. On compte pas ce qu'on y a donné. Mais on est allé jusqu'au bout. On y a laissé des bouts de nous. On y a laissé des bouts de nous. Nous ne nous connaissions qu'à peine. Chacun avec son sac à dos. Chacun a ses histoires anciennes. Qu'il a mené comme un cadeau. Qu'il a mené comme un cadeau. Le vent fait s'envoler les ailes. Et il nous pousse dans le dos. C'est l'énergie. Qui porte les bateaux. Nous étions tous du même projet. Mais qu'est-ce qui nous a rapprochés? Est-ce l'envie de faire ensemble? Le besoin d'y arriver. Ou le besoin d'y arriver. Nous étions tous complémentaires. Chacun sa place dans le troupeau. C'était une équipe. Aux autres, quand on partage ce que l'on est, on se révèle entre potes. C'est le miroir de nos années. Le vent fait s'envoler les ailes et il nous pousse dans le dos. C'est c'est un souvenir en commun. Tous ces bons moments partagés. Tous ces instants qui ne font qu'un. Tous ces instants qui ne font qu'un.